À quel moment est-ce que vous vous êtes intéressé aux idées de Bakounine? Ah, j'ai intéressé à Bakounine pendant mes études à l'université en Hollande. Et j'étais très intéressé dans le socialisme. Et vous savez probablement que le mot socialisme est un mot sur quoi on ne peut pas discuter, c'est absolument trop vague. Alors, c'est plutôt que je m'intéressais dans le socialisme libertaire. Et en 1922, à la fin, j'ai été à Berlin et j'ai été présent à la fondation de l'Association internationale des travailleurs. C'est une internationale des organisations anarcho-syndicalistes en Europe, et on a pris ce nom parce que c'est le nom de la première internationale de 64, où Karl Marx a joué un rôle prédominant, et dans cette internationale, c'était après que Bakounine en 68 était membre de l'internationale, c'était la lutte des tendances, c'est-à-dire les deux grands révolutionnaires, c'est-à-dire Bakounine était le plus grand révolutionnaire de la Russie, Karl Marx était plutôt un professeur allemand qui travaillait tous les jours dans la bibliothèque du British Museum pour étudier l'économie et l'histoire économique de l'Angleterre. Mais il y a aussi des autres conflits entre eux. Marx était violemment anti-russe et Bakounine pensait que le plus grand danger de l'Europe était, à ce temps, l'Allemagne. Comme je dis, Karl Marx était toujours dans la bibliothèque. Bakounine, depuis qu'il avait parti de la Russie, Bakounine vient d'une famille aristocratique, mais il a vécu toujours une vie bohémienne, mais quand même jamais perdu son ambiance aristocratique. Depuis, il partait de la Russie, où il a été étudié l'histoire, etc. Il était le premier traducteur de Hegel. Il est à Berlin, dans le milieu des Hegeliens de gauche. Et en 48, il a pris part à la révolution en Europe centrale. Il était condamné à mort deux fois, et alors livré à la Russie. Il a 12 ans en prison et en exilé. Il est retourné dans une fuite spectaculaire de la Sibérie, et il est arrivé en 61 de nouveau en Europe et a recommencé ses activités révolutionnaires immédiatement. Et ça, il était très actif pour la libération de Pologne. Les opinions politiques en ce qui concerne l'Europe étaient que tous les trois empires, l'Allemagne, l'Autriche et la Russie, devaient être détruits, et il faut bâtir une autre Europe basée sur le fédéralisme, et en premier lieu l'indépendance de la Pologne et l'indépendance de la pays baltes ou baltiques. Mais en tout cas, ce conflit de Marx était l'essentiel, une question politique, une question idéologique. Pour le résumer dans quelques mots, comment devait le prolétariat s'organiser pour arriver au socialisme? Marx était d'avis, ils doivent organiser dans une partie politique pour la conquête de l'État, et l'État doit socialiser ou étatiser les moyens de production. Et dans ce procès, à la longue, l'État va disparaître, parce qu'aussi Marx pensait que le socialisme est une société sans État, une grande liberté, comme presque tous les socialistes. Et Bakounine pensait qu'il ne faut pas organiser le prolétariat dans un parti politique, mais dans une révolution, les ouvriers et les paysans devaient prendre les usines et le pays, et il faut, au lieu de cet État centralisé, bâtir une société basée sur le fédéralisme, sur l'autonomie des communes, etc. Et ce conflit finit en 72, c'était presque la fin de la Première Internationale, en tout cas pour l'Internationale de Marx. L'autre, l'Internationale continuait, si j'en ai, était surtout l'Internationale des adhérents de Bakounine. Et c'est pour cela, je reviens sur, c'est pour cela que quand, après la guerre, en 22, la grande organisation syndicaliste de la France, l'Espagne, de l'Italie, etc., organisée pour la première fois une internationale, ils ont pris ce nom, la première internationale. Alors, en 22, c'était quelques années après la révolution russe, et il y avait naturellement, au commencement, une grande sympathie sur la révolution russe, mais bientôt, il y avait aussi une critique, et c'est surtout la critique sur la dictature que Lénine avait organisée, parce que l'affaire, on dit en général, quand on parle de la révolution russe, que cette révolution a commencé en octobre, le 24 octobre 17, c'est-à-dire où Lénine et son parti ont pris le pouvoir, mais c'est exactement comme avec la révolution française, dans le livre primitif scolaire, on lit la révolution française a commencé avec l'affaire de la Bastille. Mais il y avait des historiens, entre autres Taine, dans son Origine de la France, dans le premier volume, et aussi Kropotkin, ont constaté qu'avant 8-9, il y avait déjà en France 300 révoltes dans tout le pays, et aussi en octobre 17, il y avait tout un mouvement révolutionnaire. Et j'ai écrit une fois, la révolution d'octobre a commencé le 17 février, c'est-à-dire au moment où la chute du tsar, et dans les mois suivants, c'était l'effondrement de l'armée, et les paysans ont pris la terre, les ouvriers ont occupé l'usine, et ont organisé des conseils, des soviets, c'est le mot russe du conseil, et ça, c'était vraiment la révolution. Où étiez-vous au moment de la révolution russe, en 1917? J'étais encore en Hollande, à ce moment, j'étais seulement 17 ans. Oui. Je n'ai pas très bien compris de quoi il s'agit. Et d'ailleurs, la grande affaire à ce moment, c'est encore la Première Guerre mondiale, où la Hollande était neutre, naturellement, mais on suivait naturellement de jour en jour les événements. Et c'est seulement une ou deux ans après, quand j'ai commencé à étudier, comme je commençais à intéresser spécialement pour la révolution russe et les autres révolutions aussi, la révolution soi-disant en Allemagne avec l'effondrement de l'Empire allemand. Mais tout ça, comme je l'ai dit, très concrétisé quand j'étais à Berlin, j'ai étudié à Berlin à l'université, et un des professeurs était professeur Gustav Meyer, le biographe de Lassalle et de Engels, et il a très concrétisé mes opinions sur l'histoire sociale. Et l'importance que j'étais là-bas à la fondation de cette internationale, c'est que là j'ai rencontré des révolutionnaires russes, des anarchistes, qui était expulsé de la Russie. Et ils ont été en partie en prison, mais sous la pression du mouvement international, le mouvement ouvrier international. C'est à ce moment que Lénine devait encore compter avec l'opinion du mouvement ouvrier en Europe. Et autres, comme Alexander Berkman et Emma Goldman, les deux plus fameux anarchistes russes-américains, qui étaient d'ailleurs expulsés de la Russie à ce moment avec d'autres en Russie, mais déjà après le dernier mouvement révolutionnaire pour sauver la révolution avec Kronstadt, ils sont partis volontairement. À quel moment avez-vous été secrétaire du mouvement international anarcho-syndicaliste ? Alors, quand j'étais à Berlin, j'étais très lié avec le mouvement anarcho-syndicaliste allemand. J'ai le représentant du Bureau international antimilitariste de Hollande. J'ai écrit beaucoup d'articles ou des brochures. Plus tard, j'ai continué ça en Hollande. Et c'était seulement en 1931, que je vais secrétaire de l'international à Berlin, mais après Hitler est au pouvoir, en janvier 1933, quelques mois après, je dois quitter l'Allemagne. J'ai parlé encore une fois dans un meeting public au moment où Hitler est déjà au pouvoir, mais après l'incendie de Reichstag de notre compagnon de l'œuvre, c'était la panique et le secrétariat était alors en Espagne et j'étais deux années en Espagne. 1920-1926, ce sont des années fécondes, dites-vous, pour l'Europe. Vous aviez conscience d'une histoire en marche. Alors, c'est les années quand j'étais en Allemagne et à Berlin. Et Berlin était à ce moment la ville culturelle, la capitale culturelle de l'Europe. La musique, la danse, le cabaret, etc. Et surtout aussi les arts. Il y avait une grande galerie d'art fameuse à Berlin, le Sturm, où on peut voir les cubistes français, naturellement les expressionnistes allemands, la futuriste italien et la constructiviste. Il n'y a pas une autre place, pas ville en Europe où on peut voir ça. Et naturellement, il y avait aussi un très grand mouvement politique après cette révolution manquée et le commencement de l'inflation. Mais au point de vue culturel, c'était une ville qui était hors concours. Et c'était à Berlin que j'ai pensé déjà, si une fois je retournais en Hollande, je vais faire une périodique comme le Sturm ou l'Action. L'Action était une périodique plus politique et au l'expressionnisme littéraire. Et après la fin de l'inflation, je suis allé à un début à Vienne, où j'ai rencontré le grand biographe de Bakounine et de l'anarchisme, Max Nedlow. Et le dernier jour, le soir de décembre 24, je suis arrivé à Gare de l'Est à Paris. Je me souviens toujours, parce que c'est un grand moment quand on va pour la première fois en Paris. Quels étaient les foyers actifs pour l'anarcho-syndicalisme ailleurs qu'en Europe dans toutes ces années-là, avant 1930 ? Il y avait depuis le temps de Bakounine, c'est-à-dire de plus de 50 ans, tout un courant anarchiste en Espagne qui a donné le caractère au mouvement ouvrier. Notamment en Catalogne, c'est la région qui est un peu exemplaire pour vous. La Catalogne, mais aussi l'Andalousie, aussi Aragon, et au moment de la révolution, la CNT, la Confédération Nationale del Trabajo, qui était sous l'influence d'une organisation anarchiste, la Fédération anarchiste ibérique, avait au moins un million de membres. Et depuis 30 ans, après la révolution démocratique, après la chute de le royaume, la révolution sociale est sur l'agenda. Et le prononciamento de Franco en 36, c'était le commencement de la révolution sociale. Et la révolution sociale, c'est une révolution baconiste. C'était le plus grand exemple après la Russie de 17 des idées de Bakounine. En Catalogne, toutes les fabriques, toutes les usines, toute la vie sociale est contrôlée par les syndicats. Dans l'Andalousie et dans le Levant, les ouvriers, les paysans ont organisé de communes agraires qui se sont fait fédérer, etc. Le malheur est que la révolution sociale était bientôt changée dans une guerre civile, que Franco était seulement aidé par Mussolini et par Hitler, et les Espagnols, le mouvement ouvrier espagnol, était seulement aidé par la Russie, par la brigade qui venait pour lutter contre Franco, mais qui devait en même temps détruire la révolution sociale et le mouvement anarchiste, parce que ça, une révolution en Espagne n'était pas dans l'intérêt de la Russie. Vous êtes allé en Espagne, vous, aux environs de 1933, je crois. Le secrétariat était à Madrid, et j'étais 2 ans à Madrid et à Barcelone comme secrétaire de l'AET. Et dans ce moment, il y a aussi un grand mouvement révolutionnaire, des grèves incroyables, sans précédent. Par exemple, dans l'Asturie, on dit en français, l'Asturie, il y avait une grève dans une grande usine sidérurgique. Et cette grève a duré 7 mois. Et on ne pouvait pas continuer. On avait une conversation avec la direction du parti. Et le représentant des ouvriers a dit... Vous ne devez pas que nous sommes battus ou quelque chose comme ça. Et alors ce type dit, ne parle pas de défaite, parce que les actions de Dura Felguera à Salbrick ne sont plus cotées à la bourse. Oui. Parlez-moi des autres lieux importants pour le mouvement ouvrier. Parlons des États-Unis. Oui, il était un mouvement plus ou moins anarcho-syndicaliste, presque le seul mouvement révolutionnaire là-bas. Et dans cette organisation étaient surtout des ouvriers des autres pays. Mais nous avons des relations amicales avec eux, mais ils n'ont jamais voulu s'associer à l'AIT, à l'Association internationale des travailleurs, parce que nous sommes nous-mêmes une internationale. Vous êtes intervenu en faveur de Sacco et Vanzetti. Oui, c'était dans toute la langue, aussi en Hollande. J'ai été le secrétaire du comité pour Sacco et Vanzetti. J'avais des relations directement à le comité de Boston. Et nous avons publié tout l'affaire, et c'est seulement au dernier moment que d'autres organisations ouvrières, etc., commençaient à s'intéresser à cet cas où on a compris que c'est une affaire mondiale, comme plus tard les affaires de Rosenberg. Pour ce qui concerne cette période qui précède la Deuxième Guerre mondiale, quels étaient vos rapports personnels avec les anarchistes français ? Non, je n'ai pas beaucoup de contact des anarchistes en France. Et je crois qu'une des raisons est que les anarchistes de France étaient plus individualistes que les anarchistes dans nos autres partis. Un petit peu comme les Américains. Alors. Et il y avait une organisation en France, c'était la Confédération Générale du Travail Syndicaliste Révolutionnaire. C'était une organisation qui a été fondée après la deuxième scission, parce qu'à ce moment, le mouvement syndical ou syndicaliste avait toujours le mythe de l'unité depuis le temps de Pelletier, de Pouget, etc. Et la première scission était entre le syndicaliste réformiste et révolutionnaire, et ils ont fondé la Confédération unitaire, et dominée par les communistes, et ça a duré jusqu'à 26, jusqu'ils ont offert sous la direction, sous l'influence de Pierre Bénard, une troisième CGT, la Confédération générale du travail syndicaliste révolutionnaire, qui est affiliée à l'International de Berlin, comme on disait à ce moment. J'ai rencontré encore un anarchiste, le plus grand anarchiste de la France, Jean Grave, l'ami de Kropotkin et de Reclus. Jean Grave qui était lié comme organisateur, aussi un peu rédaction, de l'organe anarchiste le plus fameux en France et en Europe, le révolté, la révolte et les temps nouveaux. Et j'ai connu à Paris un antiquaire, en anglais d'un second-hand bookseller, Paul de La Salle. Il était un ami de Pouget et de Pelletier. Il a été plusieurs fonctions dans la CGT, comme secrétaire de la Fédération de Bourse, etc. Et il m'a dit qu'il y avait un grand fauteuil là-bas, dans ce fauteuil, c'est le fauteuil de Georges Sorel, qui chaque jeudi venait me voir ici, et j'ai parlé avec lui, etc. Et quand j'étais, quelques années plus tard, à Amsterdam, travailler avec l'Institut international d'histoire, j'ai publié la bibliographie sorelienne de La Salle, et il m'a raconté beaucoup de ce mouvement, et quelque chose que je savais, c'est-à-dire que Sorel n'avait aucune influence sur l'idéologie et la politique de la CGT. Il y avait aussi, toujours à Paris, des anarchistes russes. Ah oui, oui. Et avec eux, j'avais, par intermédiaire de mes amis et de mes russes, beaucoup de relations. Il y avait dans une petite rue dans le Marais, une petite salle où ils vivaient ensemble, et la langue était yiddish. Il y avait des anarchistes de Pologne, de Bulgarie, de Russes, etc. J'ai été là, enfin, j'ai fait un discours en allemand, parce qu'il comprenait tout l'allemand par les Russes. C'est très émouvant, c'était quelque chose de l'ancien siècle, vous savez. Mais pour les anarchistes officiels, je n'ai pas beaucoup de relations. Et c'est la même chose en Hollande, là-bas aussi. Le mouvement anarchiste, proprement dit, était très hostile au mouvement syndicaliste, où j'étais rédacteur du périodique, du publié, j'ai parlé, etc. Parce qu'il disait, c'est une organisation réformiste, etc. C'était plus ou moins vrai, oui. Mais une raison est que les anarchistes étaient en dehors de cette organisation. Et notre propagande a dit, oui, cette organisation n'est pas très révolutionnaire en Hollande. D'abord, il n'y a presque pas de révolutionnaire en Hollande. L'importance de cette organisation est qu'elle fait une part de cette grande organisation internationale de Berlin. J'aimerais bien que vous me parliez de l'action du mouvement pendant la guerre. Alors, pendant la guerre, comment ça s'est passé? Vous étiez où? Et qu'est-ce que le mouvement a essayé de faire? Qu'est-ce qui a pu se passer à ce moment-là? Où j'étais à ce moment, en Angleterre. Parce que, après 35, c'est-à-dire où j'ai fini avec mon activité politique en Espagne, sauf que j'ai encore retourné pendant la guerre civile, je suis retourné en Hollande pour prendre part à la fondation de l'Institut international d'histoire. Et à cause de la situation en Europe après Hitler, l'Institut a pu acquérir, acheter, parce que l'Institut reçoit beaucoup d'argent d'une banque, etc., des bibliothèques et des archives. Et dans quelques années, on avait une bibliothèque de 300 000 livres et des archives absolument uniques, entre autres les archives du Parti Socialiste Allemand avec une grande partie des archives de Marx. Et l'Institut est devenu bientôt le plus grand institut, à part l'Institut de Marx Engels, dans le monde. Mais après les événements en Allemagne, on avait peur de la guerre, et j'ai été envoyé par le conseil de l'Institut en Angleterre pour fonder là-bas une dépendance de l'Institut, et j'ai arrivé en Angleterre avec 300 caisses, avec tous les archives de l'Institut et les livres les plus importants. Et c'était en juillet 39. Et on a travaillé là presque toute la guerre, avec une grande, avec 20 personnes. On a même acheté des livres, et avec l'énergie prussienne, on a même commencé de faire un catalogue. Parce que les Allemands ont dit, mais qu'est-ce que c'est ça, une grande bibliothèque de 300 livres et pas de catalogue. Mais vous comprenez, quand on, dans quelques années, achète 300 000 livres, on ne peut pas la cataloguer. Et c'est comme ça, il y a quatre collaborateurs. Moi, j'étais pour la section française, Italie, Espagne et Lille. Et je recevais des milliers de livres. Il y avait 600 titres seulement sur la Révolution française. Et je devais alors savoir chaque livre de quoi s'agit-il avant de le mettre systématiquement. Et j'ai beaucoup appris de ça. Si j'ai bien compris, ce sont les Allemands, les occupants, qui ont enrichi, enfin qui ont contribué à l'enrichissement du fonds de l'Institut. Oui, ils ont même acheté des livres aussi. Ouais. Mais l'Institut ne fonctionne plus, naturellement. Parce que tous ceux qui travaillaient là-bas au moment où les Allemands l'avaient étaient chassés de l'Institut et ils ont écrit de grands rapports à Berlin parce qu'eux pouvaient rester là, etc. Et plus tard, en 1944, au moment où une partie de la Hollande est déjà libérée, ils ont envoyé en 2000 caisses toute la bibliothèque quelque part en Allemagne, avec des bateaux, etc. Et seulement après un an, on a retrouvé toute cette bibliothèque. C'était quelques 2000 caisses dans deux bateaux, quelque part, et encore 100 caisses à Klagenfurt, en Autriche, et autres à Krakow, en Pologne. Et l'idée, on a voulu faire cette bibliothèque pour une grande bibliothèque en Autriche, c'est une idée de Hitler, et surtout cette bibliothèque pour lutter contre le marxisme. Parce que naturellement, on dit que c'est une bibliothèque marxiste, mais l'Institut était un institut scientifique, rien de marxisme, mais l'histoire sociale, naturellement, et Marx et le marxisme, c'est une grande partie de la bibliothèque, et le directeur, Postumus, n'était pas un marxiste, c'était un professeur de l'histoire économique. C'est un ancien professeur que j'ai étudié l'économie et la sociologie encore à Rotterdam. Et c'est pour cela que je suis plus tard, quand on a fondé, l'Institut. On peut parler un tout petit peu de la création de cet institut. Justement, vous avez évoqué M. Postumus. Oui. Alors, racontez comment s'est créé l'Institut. C'est grâce à lui. Non, ça s'est créé une idée de moi que j'ai proposée à Postumus en 28. D'acheter la bibliothèque de Max Netlow à Vienne. N'est-ce pas, dans le temps que j'étais à Vienne, je l'ai vu régulièrement et j'avais déjà une correspondance avec lui. Et la bibliothèque de Max Netlow, c'était la plus grande bibliothèque anarchiste dans le monde et surtout avec ses archives. Il avait, entre autres, tous les archives posthumes de Bakounine. Et une collection de livres et de périodiques hors concours. Quand il y avait une périodique anarchiste en Venezuela, un numéro, c'était dans cette bibliothèque. Alors, Postumus était très, très intéressé et m'a dit, vous devez correspondre avec Netlow. J'ai correspondu avec lui et tout est réglé. Et Postumus est allé à Vienne pour signer le contrat. Le contrat est signé, alors Postumus dit, mais monsieur le docteur, c'est le docteur Max Netlow, comment est-ce que je vais maintenant trouver vos livres? Parce que Netlow habitait dans une chambre. Il habitait dans une situation presque comme un clochard. Et Netlow était un homme aristocratique. Son père a été le chef de jardin de l'empereur, etc. Mais par l'inflation, il avait perdu tout son argent. Et il y avait sa bibliothèque de 40 000 livres, etc. Était à Londres, était en Suisse. Et Postumus, qui était aussi un juriste, dit, mais comment peux-je trouver ce livre maintenant à Londres? Parce que, comme Allemand, il avait peur pendant la Première Guerre mondiale que ça soit séquestré par les autorités. Netlow dit, après tout, je ne voulais pas le vendre. Et il prit le contrat et déchirait le contrat. Alors, parce que nous étions complètement... Et il revient chez moi et dit, ah ben vous avez des jolis amis anarchistes. Il pense que si un contrat est déchiré, que ça n'en vaut rien, parce que naturellement, le même jour, je l'ai fait registrer à la chambre de commerce. Et qu'est-ce que je vais faire? Alors il dit, peut-être il veut avoir plus d'argent. Alors l'organisation, c'était pas encore l'Institut, c'était une banque ouvrière qui payait tout ça. Non, c'était l'Institut d'histoire économique où Postumus était secrétaire. On m'a donné le chèque, etc. Et j'ai arrivé chez Netlow et j'ai dit, mais qu'est-ce que c'est arrivé? Tout ce que vous avez dit, tout ce que nous avons écrit, tout ce qu'on a accepté, et tout à coup, vous avez dit, je ne veux pas. Alors, je ne sais pas ce que ça dit, mais tout à coup, il m'a dit, ah, vous savez, quand ce monsieur professeur a demandé, mais est-ce que vous avez les clés de Warehouse à Londres, j'ai compris, il voulait avoir ma bibliothèque. Et alors, j'ai dit, je ne veux pas. Alors, alors, je suis revenu à Amsterdam, moi je dis, je ne peux rien faire. Alors, Postumus dit, je vais faire un procès. Alors, dans ce cas, je ne peux faire un procès contre Netlow, mais je peux vous donner un bon avocat que je connais, c'est Dr. Kobler, c'est une pacifiste. Et ce Kobler, alors, a parlé avec Netlow, il a écrit un Postumus, mais c'est une affaire de Dickens, cette affaire. Et On n'en parlait pas, parlait plus. Mais quand l'Institut est fondé en 1935, Netlaw a voulu le... parce qu'aussi l'Autriche était occupée et c'était occupée déjà quand on a, chez Netlaw, sauvé le dernier paquet de manuscrits de Bakounine. Et les dernières années de sa vie, il a vécu en Hollande et il est mort en 44 ans à Amsterdam, au moment où moi j'étais en Angleterre et parlais chaque jour pour le BBC en Hollande. Je voudrais qu'on parle des années de l'avènement d'Hitler. Qu'est-ce que le mouvement anarchiste a pu faire à ce moment-là? Qu'est-ce qui s'est passé tout de suite avant la guerre, à l'avènement d'Hitler? Quelle était l'influence du mouvement anarchiste sur la population allemande, entre autres? Le mouvement anarchiste en Allemagne est très petit. Mais naturellement, comme toutes les organisations de gauche, il était immédiatement persécuté. Et beaucoup étaient emprisonnés et dans le camp de concentration. Spécialement l'anarchiste le plus connu en Allemagne, Erich Mühsam. Et ils ont tué dans le camp de concentration. Et comme je crois que j'ai dit, après le feu de Reichstag, c'est la panique complète, parce que tout le monde était arrêté, etc. Et quelques semaines après, il y avait des élections. Et il y avait alors deux grandes organisations, la communiste qui était très fort. C'était le parti communiste en Europe le plus fort, en dehors de la Russie, et bien, bien organisé. Et naturellement, le socialiste, qui était depuis un demi-siècle le grand mouvement ouvrier. Et toutes ces deux organisations appelaient tout le monde pour, comme ils disaient, voter contre Hitler. Au moment où Hitler était au pouvoir, et au moment où Hitler est déjà au pouvoir dans la rue, avec la SA. Ces deux grands partis voulaient finir avec Hitler dans les élections. Alors, le résultat est que 30 millions de votes étaient sur ces deux organisations ouvrières. Et quelques semaines après, ils étaient finis. Vous, pendant la guerre, vous étiez en Angleterre. Je crois que vous avez multiplié les appels à la BBC. Alors, ils étaient en direction de qui et pourquoi? J'étais à Oxford avec une grande maison, avec ses 200 caisses des archives, etc. Et pas d'argent. Parce que à Amsterdam, on n'a pas organisé que je devais avoir l'argent pour toute affaire. Et le professeur d'Oxford, qui était accepté d'être le représentant de l'Amsterdam, est absolument furieux, c'est posthumus, de nous laisser là-bas avec toute cette responsabilité et sans argent. Et pendant la guerre, j'ai eu une visite de l'organisation américaine Rockefeller Foundation. The Rockefeller Foundation, ils sont venus chez moi et ont dit « Oui, nous voulons vous aider ici à Oxford d'organiser l'institut dans notre base et vous recevez l'argent pour faire un microfilm de tous les archives parce qu'on ne sait jamais ce qui est arrivé à la guerre. » Alors j'ai dit, c'est fantastique. Et alors il dit, bah oui, naturellement, nous voulons avoir une copie de cet archive pour la distribuer à quelques universités en Amérique. Alors j'ai dit, I'm sorry, but I am not the owner of the thing, I am in charge of the thing, and I can't do that. Alors, ils ont dit, dans ce cas, nous ne sommes pas intéressés. Alors, je vais trouver une bonne... la chose la plus facile de trouver à son moment, c'est de travailler pour la BBC. Parce que je crois qu'il y a 10 000 gens qui travaillaient en dehors de Londres pour le contenu. Mais moi, j'étais dans cette research department pour donner des documents de recherche pour la propagande. Pour moi, la politique et mon intérêt dans l'art et mon intérêt pour l'histoire, c'est tout à fait normal. Mais souvent, on a été étonné que j'ai travaillé dans ce mouvement ouvrier et en même temps, j'étais intéressé dans la littérature et surtout la plus élitaire. Mais pour moi, il n'y a pas de problème, pas de conflit. Surtout quand j'étais très actif dans le mouvement syndicaliste en Allemagne, j'étais très très intéressé dans l'art moderne. Et je crois que j'ai dit que c'est à Berlin, là-bas, j'ai vu tout l'art moderne de tous les pays. Et c'est en ce moment que j'avais cette idée, quand je retourne en Hollande. Mais avant, j'ai fait encore la tour de l'Europe. Je voudrais faire quelque chose comme ça. Et quand je suis arrivé à Paris, le 31 décembre 24, deux mois plus tard, j'ai vu pour la première fois Mondrian, j'ai parlé avec Mondrian sur ça, que j'avais cette idée. Vous aviez l'idée de créer une revue. Pour créer une revue, oui. Mais cette revue devait être une autre chose que moi j'ai dit, parce que moi j'avais l'idée... de cette revue que j'ai vue, que j'étais abonné déjà quand j'étais encore en Hollande étudiant sur le Sturm et sur l'Action, c'est une revue politique avec l'expressionnisme de la littérature, etc. Mais quand j'ai Mondrian m'a dit, oui, je vais collaborer avec toi. C'est à Mondrian que vous avez parlé en premier, de ce pour projet. La première fois sur ça, de oui. De ce projet. Oui. Et lui vous a encouragé. Et dit oui, mais vous devez aussi, en Hollande, voir mon ami Haupt. Haupt est l'architecte le plus moderne en Hollande, mais naturellement, il y a beaucoup de difficultés avec l'architecture. Et il dit oui, je veux collaborer, mais je veux être rédacteur. Je dis, excellent, vous devez être rédacteur. Et des rédacteurs en architecture, mais c'est sous-entendu aussi pour les arts plastiques. Alors, Art dit, mais vous devez aussi aller à la Bauhaus. Et Mondrian m'a dit aussi, alors je vais à la Bauhaus. J'avais vu la première exposition de Bauhaus en 23 à Weimar, quand j'étais à Berlin. J'arrive à Dessau, où je rencontre Kandinsky. Kandinsky, c'est moi, mais ça a été toujours mon idée, tous les heures ensemble, etc. J'écris pour vous, pour le premier numéro d'un article. Et Moholy Notch, un des gens les plus importants du Bauhaus, dit, je vais prendre la rédaction pour le film et photo. Et avec tous ces rédacteurs, pour autres comme architecture, Moholy pour film et photo, etc., j'avais tous les collaborateurs, anciens collaborateurs de Steyl, l'organe de tous les architectes modernes de la Hollande et international, Switzer, Brancusi, Arp, etc. Alors c'était une autre périodique que je vais inventer parce qu'avec eux, l'IDIS, cette périodique, avait un caractère très restreint, c'était l'art abstrait, et international, etc. Alors, les objectifs de IDIS, puisque c'est le titre de la revue, quels étaient-ils précisément ? L'art abstrait, il y avait aussi une part politique dans vos oui, objectifs. Oui, il y a un peu de politique aussi, naturellement, parce que j'avais au commencement difficulté avec le rédacteur Out. Il dit moi, est-ce que tu ne veux pas laisser la politique? Alors j'ai dit, moi, écoute, je ne fais pas un périodique pour seulement les architectes, etc., et pas de politique. Et d'ailleurs, ce n'était pas 100% ma politique. Ce n'est pas un organe anarchiste, mais une organisation pour la politique, un peu, etc. Et il avait peur que c'était un peu communiste, parce que il dit, comme architecte, j'ai déjà tant de difficultés, je veux avoir pas de difficultés pour des articles, etc., qui ne sont pas mon opinion. Alors, c'était, il pensait un peu de communiste. Alors, j'ai dit, ce n'était pas une idéologie très restricte. Et d'ailleurs, si tous les gens qui collaborent avec Eddy sont d'accord, ce n'était pas une troisième, mais c'est une dixième internationale. Et j'ai raconté cette histoire à Bauhaus, avec Boholi et Lucia Boholi. Et alors, elle dit tout à coup, moi, je l'ai trouvé, nous le pouvons, Eddy. Ça, c'est la genèse de cette revue. IDIS a été créé en 1927. Mais en 1926, c'est le moment, je crois, où vous avez rencontré Ernst Bloch. Oui. Est-ce qu'il y a eu un rapport entre cette rencontre ? Oui, en 26, j'ai habité à Paris et j'étais quelques semaines à Saint-Nary, la petite place de là-bas. Maintenant, c'est une toute autre chose qu'en 26. 26, c'est une toute petite ville. Et il y a souvent des gens de littérature, l'autre qui venait là-bas. Et j'étais par hasard dans le même hôtel de Bloch, je ne le connais pas, je connais ses livres, le Geist der Utopie, le livre sur Thomas Münzer. Alors, il est 10 ans plus tard que moi. Alors j'étais très imponé que nous avons joué, toujours échec, j'ai toujours perdu. Et alors oui, je vais collaborer avec toi. Mais à Paris, vous devez aussi demander mon ami Walter Benjamin. Alors, quand j'étais à Paris, Bloch était aussi venu à Paris, nous avons été ensemble chez Benjamin, Benjamin dit aussi, oui, je veux collaborer. Alors ce sont les deux écrivains allemands qui, plus tard, ont devenu fameux, parce que ce n'était pas du tout à ce moment, qui était le collaborateur. Il a écrit plusieurs articles, Bloch et Benjamin, un article fameux sur l'Allemagne. Il était à ce moment un des traducteurs de Proust. Alors pour revenir à la création de IDIS, pourquoi avoir donné ce titre IDIS? Qu'est-ce que ça signifiait? Absolument rien, seulement un chiffre comme une indication, n'est-ce pas, c'était un journal, j'ai publié les articles dans la langue, alors c'est hollandais, français, allemand, alors je devais trouver un article qui est le même pour toutes les langues. Et alors, Lucia Moholy a trouvé ça, comme j'ai expliqué, quand j'ai raconté cette histoire de la dixième internationale, elle a dit, mais j'ai trouvé, nous l'opposons IDIS. Et alors, sans foi, naturellement, on m'a demandé, qu'est-ce que ça signifie? Alors, ça signifie rien, c'est une indication, il y a d'ailleurs un groupe de l'avant-garde constructiviste en Russie, qui s'appelle O010, il y avait en Allemagne un journal d'avant-garde de Richter qui s'appelle seulement G. Alors c'était un peu dans l'air d'une chose comme ça. Racontez l'anecdote anglaise concernant le titre IDIS. Ah oui, je connais un Anglais qui écrit un article sur IDIS et c'était le premier numéro du deuxième année. Et le prix était 1 florin 10 centimes. Et cette journaliste écrit dans ce journal, c'est un périodique très curieux, le titre de journal, elle a pris. Parce parce qu'il a eu la pensée que cet inflandiste était le même qu'en satiniste. Quels étaient les objectifs de IDIS? Vous avez dit que c'était ouvert, vous vouliez que ça rassemble toutes les disciplines. J'ai pensé de lier un peu ma propre idée sur la société en général et le socialisme avec ce mouvement d'avant-garde. Et je crois que le plus grand intérêt a été que les artistes, les architectes, les peintres, la sculpture lisaient quelque chose sur la politique qu'ils ne connaissaient pas. Et à l'autre côté, les autres, c'est un peu de l'art moderne. Alors parlez-nous un peu des collaborateurs de IDIS. Vous avez parlé de Mondrian, de Kandinsky, ils ont été nombreux, tous enthousiastes. Est-ce que ce travail qu'ils ont fait, à votre avis, a eu une influence sur leur œuvre ou sur leur pensée ou sur leur écriture? Non, je crois. Il y a quelques-unes qui sont en accord avec mes idées, quand même n'étaient pas opposées à ces idées, et qu'au Mondrian, il croyait qu'il avait, au point de vue politique, la même idée que moi. Mais Mondrian était un homme d'une... Il écrit très difficilement. Par exemple, une fois, il a utilisé quelques lignes que j'avais écrites dans une brochure sur la journée de 6 heures, quelque chose comme ça. Et là, il a trouvé quelque chose. Ah, je suis tout d'accord de ça. Il parle de vrai socialisme à ce moment. Il a évité ce mot parce que ce n'était pas encore le mot, c'était en 26 ou 27. Mais il y a naturellement une grande différence entre, par exemple, Kandinsky est un homme qui n'avait pas du tout des idées progressives. À l'autre côté, l'architecte von Estrin était pour une grande partie d'accord avec moi. Les artistes, en général, presque par définition, sont très individualistes. Et ils ont tous probablement leur propre idée, sauf qu'ils étaient d'accord sur l'abstrait. C'est toujours aussi dans la politique, les gens qui sont le plus proches ont la plus grande difficulté. Joris Evans a travaillé avec vous aussi. Il était votre ami, je crois. Ben, Evans était un ami de moi depuis l'université. Et il est devenu plus tard communiste et même staliniste. Et moi, je n'étais pas amusé de ça, naturellement. Et ça a été pour des années une situation très, très, très, très difficile. Dans les dernières années, je l'ai revu, Evans, de nouveau, à Paris plusieurs fois et en Hollande, et il n'avait plus cette opinion communiste. Est-ce qu'il y a des artistes que vous avez contactés et qui ont refusé de collaborer à IDIS? C'est le contraire, qu'il y a des gens qui voulaient collaborer et qui nous ont refusé. Et pour l'architecte, ça je devais laisser la responsabilité à mon rédacteur de l'architecture. Et Haute était très, pas seulement pour les compromis. Par exemple, je dis de Corbusier, souvent des gens, mais pourquoi Corbusier n'a pas collaboré à cette revue? Et la réponse est que Haute n'était pas... C'était pas dans la ligne de ces architectes à ce moment. Et les gens de IDIS ont joué un grand rôle dans cette organisation internationale d'architecture qui avait des congrès. Le premier congrès était à Aix. J'étais là par hasard. J'ai vu Léger là-bas. Et... cette organisation avait une grande influence sur l'architecture des villes, des environs, etc. Et un de mes amis, qui est un collaborateur de Dis van Estren, était le secrétaire de cette de cette organisation. Vous n'avez pas eu de rapport avec les surréalistes français? Très peu. On m'a souvent demandé ça. Et je crois qu'il y a deux raisons. Premièrement, moi, je n'étais pas très enthousiaste sur les surréalistes au point de vue leur... leur enthousiasme pour le communisme, surtout Aragon et Breton aussi. Breton, plus tard, est devenu presque un anarchiste, mais à ce moment, et l'autre côté, que la surréaliste, ça n'était pas dans cette ambiance de l'art abstrait. Idis, c'est une revue qui s'adressait quand même à un public assez averti. Est-ce que pour vous, ça n'est pas contradictoire avec vos options politiques? Est-ce qu'il n'aurait pas été préférable de faire une revue qui aurait été plus à la portée d'un vaste public? Non, je n'ai jamais intéressé dans le périodique pour le grand public. J'ai publié une revue en même temps. Un peu plus tard, pour le mouvement anarcho-syndicaliste, une revue théorie, etc. Et en général, je n'ai jamais collaboré, presque jamais collaboré avec de périodiques de grande. Mais ça ne vous paraît pas contradictoire avec vos opinions politiques? Non, je crois. Que ce qu'on écrit et aussi ce qu'on dit reçoit une certaine couleur. Mais ces gens qui croient à cette politique n'ont pas l'idée de faire de propagande pour leur idée, mais ce sont des architectes, des artistes qui travaillaient et avec leur idée. Ce n'était pas une périodique de propagande pour les idées, ce n'était pas une revue d'histoire, d'art d'histoire. C'était pour eux une revue militante. À votre avis, qu'est-ce qui explique la fin de Idis? Donc 22 numéros, à peine 3 ans d'existence, pourquoi Idis disparaît-elle? À cause de qu'il n'y a pas assez d'abonnés. Mais ouais, je crois qu'il y a 300, quelque chose comme ça. Avec ça, on ne pourra pas continuer. Est-ce que ce n'est pas justement cette rupture avec le public qui fait que la revue n'a pas pu fonctionner? Oui. Rien à faire. On ne peut pas faire une périodique seulement pour le grand public ou seulement pour le... Et pour ça, il faut avoir ou l'argent ou avoir des abonnés. Mais on ne peut pas dire nous avons besoin des abonnés et alors nous devons écrire ce que les abonnés sont intéressés. À votre avis, est-ce que l'avant-garde est une forme de l'esprit révolutionnaire? Pas toujours. L'idée de l'avant-garde est très vague. J'ai mon propre idée sur l'avant-garde. Si vous voulez, moi je trouve que l'avant-garde est un mouvement qui n'est pas accepté par l'establishment de son temps. Et si vous regardez, par exemple, les avant-gardes après la Deuxième Guerre mondiale, vous pouvez constater qu'ils sont acceptés immédiatement quand il y a de nouveau aux gardes. Alors, je crois que ces avant-gardes n'ont pas beaucoup d'importance. Et l'avant-garde, par exemple, qu'on veut Edis, où il y a seulement 300 abonnés, est un avant-garde qui a fait l'histoire. revient à l'année 1919, parce que je crois que ça a été pour vous une année, ou tout au moins un départ vers une recherche en direction de l'art et de la poésie. C'est aussi à peu près la période à laquelle vous avez commencé à vous intéresser à la politique. Alors tout est très lié, et vous m'avez dit une fois que vous êtes venu aux idées révolutionnaires par l'art et par la poésie. Expliquez-nous ça. Oui, ça c'est évidemment une question très difficile à répondre. Comment et pourquoi et quand on va des idées comme ça. Je crois que mes idées révolutionnaires, s'ils sont révolutionnaires, qui ont commencé peut-être à la révolte contre le milieu bourgeois où j'étais éduqué, etc. Et je crois que cette révolte a commencé par mon intérêt de l'art et de la poésie. Et que plus tard, par la circonstance, par hasard peut-être, ou par inclusion, je ne sais pas, ça a été aussi devenu les idées contraires au milieu bourgeois. Je crois que c'est l'intérêt pour l'art, non pas l'intérêt, mais l'impression que l'art a fait à moi. Et je parle maintenant de je suis très jeune, 17, 18, 18 ans, à faire ce changement de mon opinion contre le milieu. Et alors, les idées révolutionnaires suivaient très forcément après. L'expressionnisme allemand. Pour vous, vous avez trouvé votre compte dans cette forme artistique. L'expressionnisme allemand. Oui. Pour vous, c'était aussi une forme de révolutionnaire, d'art d'avant-garde et qui luttait contre la bourgeoisie aussi, non ? Est-ce que dans l'expressionnisme allemand, est-ce que vous avez trouvé cette forme d'idée révolutionnaire ? Dans l'art ? Dans l'expressionnisme allemand. Dans l'expressionnisme allemand ? Oui. Oui, je crois. Oui, parce que naturellement, l'expressionnisme allemand, oui, et dans la poésie, et dans l'art, était sans doute une avant-garde révolutionnaire, qui n'était pas relié ou n'était pas influencé par la situation révolutionnaire après la Première Guerre mondiale, parce que tout cet expressionnisme a déjà commencé avant 14, Alors, dans ce moment, déjà, c'était une révolte contre la situation dans l'Empire allemand. Oui, mais vous avez découvert presque en même temps et l'expressionnisme allemand et les idées révolutionnaires. Je parle de votre cheminement à vous. Oui. Et de... Oui. Non, mais allez-y. Ah oui. Avant que j'ai été intéressé dans les idées révolutionnaires, ou avant que je l'ai pris connaissance de ça, j'ai une grande admiration par deux poètes hollandais, Henriette Hollandholz et Herman Horten, qui, à mon grande surprise, étaient des communistes. Et probablement, j'ai dit, quand ces deux poètes où j'ai une grande admiration sont des communistes, ça doit être autre chose quand j'ai compris dans le milieu où j'étais éduqué. Dotté sur, hein? Dotté sur. Ah, elle connaît plus On en a combien là, à peu près on a... Oui, je suis tout à fait d'accord avec ce Yves Alain Bois, qui est un historien de l'art français, qui est maintenant professeur à Baltimore, a écrit un article sur IDIS, sur l'avant-garde en général et sur la périodique avant-garde de ce temps et sur IDIS. Et il finit avec son article et je crois que c'est mieux que j'utilise le français d'Yves Alain Bois que d'essayer de résumer dans mon propre mot. On nous parle souvent aujourd'hui de l'échec entre, des avant-gardes des années 20. Veut-on les blâmer par là, ces avant-gardes, sous prétexte que le fascisme ou le stalinisme, puis le cynisme du capitalisme avancé, auront recouvert le monde de leur couvercle de plomb? Veut-on leur reprocher d'avoir fait de principe espérance comme de Bloch le moteur de la production? Les naïfs alors ne seraient pas ceux qu'on pense, sachant que la barbarie est toujours possible, plus que jamais possible. La seule solution, sage dans sa folie, est de résister et, dût-elle ne pouvoir durer que le temps d'un éclair, cette résistance de croire et son effet indélébile est prolongé. Telle est selon moi, à ce jour, entre multiples autres choses, la leçon la plus précieuse que nous laisse Idis. Oui. Mais dommage. Oui, c'est bon, hein. Oui. C'est votre conclusion. Oui, oui. Sans conclusion pour Idis, etc., par sur les autres choses, sur. Oui, je crois que c'est une bonne conclusion. Et cet Yves Alain Bois, il sait de ce qu'il parle, n'est-ce pas? C'est un homme tellement intelligent et c'est dommage qu'il ait parti pour l'Amérique parce que probablement il serait resté là-bas. On a offert maintenant un poste à Harvard il est un élève de qui? De Roland Barthes. Oui. Une dernière question. Est-ce que aujourd'hui, avec les artistes d'aujourd'hui, on pourrait refaire une revue comme Idis? Est-ce qu'elle présenterait le même intérêt? Je crois que vous demandez cette question à d'autres personnes, mais pas à moi. Non, on m'a demandé pendant la grande journée de 68 si je ne voulais pas de nouveau une revue comme ils disent. Alors j'ai dit non. On ne peut pas répéter ça. Et c'est autre gens qui doivent faire une revue dans cette. Et je crois aussi que en 29, que c'est bon que nous avons arrêté par force, parce que la situation culturelle, atmosphère politique n'était plus. Oui, c'est peut-être ça la vraie raison de l'arrêt de IDIS. L'arrêt de la financière. Oui, mais vous venez de le dire, c'est peut-être quand même surtout parce que le contexte politique et artistique n'était plus le même. Oui, je crois, oui. Oh, c'est vrai. on va se donner un compliqué. In het Hollands. Ja, zeg maar even. Nou, de veranderende tijd, de reactie die op gang kwam. Het was het slot van de jaren 20. Ja, natuurlijk. Toute la situation culturelle politique a changé. N'est-ce pas, le fascisme est en marche, etc. En dat was minstens zo belangrijk, denk ik, voor het stoppen van ITIN als de financiële achtergrond. Je had er ook niet zoveel zin meer in. Oh, dat weet ik niet. De politiek nam voor jou toch de overhand. Elle pense que moi j'avais de certaines opinions que je ne sais pas, mais elle est plus au courant. Non, mais ça serait bien que vous développiez ça un petit peu, j'aimerais bien. Misschien kun je daar nog iets over zeggen, Arthur, want dat is natuurlijk toch waar, dat dit waren het einde van de 20e jaren, ja. Niet het begin. En bovendien, de internationale politieke situatie veranderde dermate, daar raakte je ook meer en meer bij betrokken. Dat dat ook een reden is geweest voor het stoppen van ITIN. Ja. Je kon ook de fondsen niet meer vinden, het enthousiasme was eruit. Oui. Oui. Mais le commencement, c'est-à-dire 27, c'était aussi difficile de trouver un éditeur pour ça. Parce que je me rappelle, cet éditeur a dit, mais est-ce que vous ne voulez demander ça aussi? Alors je dis, non. Alors, mais il est tellement important, tellement connu. Alors j'ai dit, tu vois, alors c'était déjà difficile en 27 aussi pour voir cette revue si rigoureux et pas de faire de concessions. Et vous avez vu ce qu'a écrit. Où est-ce ça? Ah oui, ici. Quand ça finit, Maul a dit « Es war eine saubere Sache ». Qu'est-ce que ça veut dire? J'ai pas su. C'est très difficile de traduire. Parce que « saubere » est un mot qui a tant de en allemand « saubere », le contraire de... « Propre », mais ça c'est pas vrai. Wat? Zijn allemaal connotaties zoals schoon en proper en netjes. Ja, zauber zijn le contraire de passaal, etc. Et alors il dit, c'était une affaire zauber, hebben we gehoord, dit. Alors c'est honnête, plutôt. C'est une affaire honnête, peut-être, oui. Mais ça, c'est pas le même mot. Oui, c'était une affaire, compromission intellectuelle de quelque nature que ce soit. Oui. On n'a pas pu trouver le mot français qui... Et ça, c'est... Attendez, on va essayer de s'arranger, on va voir ce que ça donne. Hein. Vous ne m'en voudrez pas. Oui, je crois qu'on pourrait le traduire avec le mot net. Ah, on va essayer, hein. Attendez. C'est honnête. Honnête. Honnête, oui. Honnête, oui. Oui. Attendez. Es war eine saubere Sache. C'est mal prononcé, en quelque sorte, la fin, l'épitaphe de Yiddish. Cette épitaphe a été écrite par qui et qu'est-ce que ça veut dire? Je l'ai donné maladroitement en allemand. Je vous demande la traduction et puis par qui est-ce que ça a été... je dis que c'est en quelque sorte l'épitaphe de la revue. Oui. Hein? Oui. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire et qu'est-ce qui a donné cette conclusion-là? Ça veut dire qu'il a dit enfin... c'est une affaire sans concession, honnête et principielle et... Et qui a dit ça? Qui a dit ça? Et qui a dit ça? Oui. Qui a dit ça? Dit Moholy. Moholy Notch, qui était le rédacteur de films et photos. Ça, En regard des événements récents en Europe de l'Est, est-ce qu'on peut, d'une certaine manière, redécouvrir Bakounine? Quelle actualité peut-on trouver dans la pensée de Bakounine actuellement, par rapport aux événements? Oui. Je crois aussi qu'on... Madame Audet, c'est plus ou moins la même question. Comment c'est possible que j'ai toujours ces idées, alors disons, des idées bakouniennes, et que dans la... rien de ces idées ont été réalisées. Mais la réponse est très simple, parce que je crois que l'histoire en Europe depuis 150 ans ont confirmé que les idées aussi de Proudhon et de Bakounine, Bakounine a beaucoup repris des idées de Pierre-Joseph Proudhon en le filtrant, en l'enrichissant et en le dépassant. Et que ces idées, qu'il n'y a pas de salut pour l'humanité si on ne finit par cette centralisation des grands États avec la concentration de ces grands États avec cette bureaucratie et cette militarisme et si on ne retourne pas ces idées de Bakounine que le socialisme n'est pas possible quand on finit avec cet État centralisé et il faut trouver un autre chemin, c'est-à-dire une organisation de la société et des États de l'autonomie des communes, des régions et le fédéralisme et comme ça trouver une autre manière de le dire. Et c'est aussi curieux que les idées de Bakounine, qui ne sont pas tellement connues, parce que il était un écrivain, qui ne savait pas faire un livre. Il était toujours en agitation, etc. Et tout ce qu'il a écrit était plus ou moins un commentaire de son temps. Mais quand même, toujours quand il a une situation révolutionnaire, comme en Russie, en 1905, en 17, en Espagne, en 36, en France, et aussi dans les autres parties, en 68, on retourne à Bakounine. Dans le 68, il y avait de grandes affiches, par exemple à Amsterdam, Bakounine, Beck in town. Je crois que maintenant, après la révolution dans le régime communiste à l'Est, moi, je ne voudrais pas parler de la révolution, mais plutôt de l'effondrement de ce régime. Je crois qu'il y a une raison de plus que de revenir sur l'idée de Bakounine, parce que c'est les idées de Bakounine, ce sont les bakounistes, qui ont été les premiers qui ont critiqué la dictature prolétarienne qui était la dictature, comme on sait tout le monde maintenant, une dictature de parti, ou plutôt une partie de l'appareil du parti, mais qui ont dit ça déjà à 21, et que qu'en général on commence la critique, c'est là aussi avec l'arrière staline, mais en fait c'est seulement la continuation de le régime qui est fondé par Lénine et Trotsky. Et quand on voit maintenant la situation dans le monde avec cette démentielle politique d'armement, de l'économie militaire, n'est-ce pas, le budget maintenant pour les armements est 1 000 milliards de dollars dans le monde. il y a une quantité de d'armement nucléaire qui est d'un million fois que la seule bombe sur Hiroshima. Et avec avec cette on va dire la mondialisation de l'économie et cette confusion de la de finance internationale qu'on peut seulement caractériser comme un casino planétaire. Si on a un peu de raison, demander comment c'est possible que toute la population accepte tout ça. Et qu'est-ce qu'il faut faire? On peut demander qu'est-ce qu'il faut faire. Y a-t-il un remède? Oui, je crois, il y a. Et je crois, il faut retourner sur un écrit de 1548, un petit écrit d'Étienne Laboétie, le grand ami de Montaigne, sur la servitude volontaire, où elle conséquence l'essentiel est, soyez résolus de ne pas servir et vous voilà libre. Je ne crois pas que dans la manière de nos politiciens, de nos chefs d'État, c'est une voie pour humaniser la société et humaniser l'histoire. Tous les horreurs de ce siècle, les deux guerres mondiales avec des dizaines de millions, le Holocaust, les camps de concentration. Vous savez où vous en étiez ? Que vous reprenez un petit peu avant. Avec Étienne la voici. Un petit peu après. Alors, pour résumer, je crois que tout le développement de l'Europe a confirmé la critique de Bakounine. Et je trouve que c'est extraordinaire que si on pense à les horreurs dans cette Europe chrétienne de deux guerres mondiales avec des dizaines de millions de victimes, avec le nazisme et le fascisme, avec le Holocauste et tout ça. Tout ça, on a accepté, mais on ne le veut pas parler, on ne veut pas penser à ça. Si on pense à cet armement en Europe, c'est incroyable qu'on ne comprend pas. Il faut penser que nos dirigeants, les hommes d'État, les politiciens sont fous, et tous les gens aussi qui acceptent ça, N'est-ce pas, si on pense à la situation de la dernière semaine à Eric, tous les grands pouvoirs ont armé ce dictateur de l'Irak avec les armes les plus sophistiquées. Et aujourd'hui, les mêmes gouvernements sont étonnés et en panique pour constater que ce dictateur d'Irak ne les a pas utilisés pour une sorte de Champs-Élysées de Bagdad pour une parade. Je crois que le message que nous avons reçu de l'Amérique, de ce type japonais, américain, que l'histoire est finie et aussi l'idéologie n'est pas vraie. L'histoire n'est pas encore finie. Un événement important cette année sur la Place Rouge. Pour la première fois, on a vu fleurir des slogans inspirés par les idées de Bakounine. Qu'est-ce que ça représente pour vous? C'est un signe de quoi? Qu'on a vu... Les slogans sur la Place Rouge, les slogans... Oui. Mais je n'ai pas dit ça là-bas, sur Bakounine en Russie. Non, je crois qu'on n'en a pas parlé. Voilà, ça n'a pas été enregistré. Ça n'a pas été enregistré. Ah, oui. Donc je peux dire que quand en 1905, en 1917, en 1936 en Espagne, en 1968... Les idées de Bakounine sont de nouveau. Et alors, je pense que tous ceux qui ont une certaine affination avec les idées de Bakounine. Ah. Et je crois que c'est un fait historique, et même un fait historique, que pour la première fois après 60 ans, dans la grande manifestation de 1er mai à Moscou, pour la première fois, avons vu des anarchistes russes et des bakouniennes, des anarcho-syndicalistes avec le drapeau noir qui étaient dans cette manifestation. Un fait qui a bien noté par la télévision et les autres médias dans la presse en dehors de la Russie. À votre avis, le mouvement anarchiste n'a pas complètement disparu en Union soviétique, en tout cas en Russie? Le mouvement anarchiste n'a pas disparu, il se maintient tout de même. Oui. Non, je n'ai pas compris. Le mouvement anarchiste russe n'a pas disparu, il renaît. Oui, il y avait dans 30 villes de la Russie, il y a des organisations anarcho-syndicalistes, et a commencé avec les publications, et on demande l'aide de l'Est pour les aider pour la propagande, parce que ils n'ont pas les appareils nécessaires, il n'y a pas de machine à écrire, etc., etc. Actuellement, ils demandent de l'aide. Oui. Et vous pensez que c'est un mouvement qui peut inverser la situation actuelle? Ça peut être une issue pour le peuple soviétique? Est-ce que le peuple soviétique actuellement est à la recherche d'une nouvelle voie? Est-ce que vous croyez que ça peut être une voie pour eux? Oui, je crois, parce que si on connaît un peu de l'histoire et un peu la théorie, il faut comprendre que c'est eux, les adhérents de Bakounine, qui ont été les premiers qui ont protesté contre la dictature de Lénine et de Trotsky, qui était le commencement de l'ère stalinien. Et naturellement, il y a beaucoup d'autres qui ont conseillé les conservatifs, les social-démocrates, etc. Mais ça n'est pas intéressant, parce que ce sont des anarchistes qui ont accepté la révolution et pas la contre-révolution, n'est-ce pas? Et alors, je crois que c'est intéressant de savoir si ces idées maintenant trouveront aussi en Russie une certaine influence, parce que on a l'impression que la Russie, en ce moment, ne sait pas où il faut aller. Est-ce que vous ne croyez pas que les idées révolutionnaires anarchistes auront quelques difficultés à se faire admettre dans un pays où justement tous les nationalismes se sont réveillés, toutes les querelles interethniques? C'est la première difficulté à vaincre, ça. Oui, mais il y a aussi en Russie une tradition de la communauté de travail, etc. Et ce sont aussi des idées anarchistes, ce sont des idées de Bakounine qui sont contre l'impérialisme de la Russie. Je crois que j'ai dit ça déjà, qui a, en 49, a fait à Paris une propagande pour l'indépendance de la Pologne, avec le résultat dans le gouvernement de Guizot, à la demande de l'ambassadeur russe, l'a explosé, qui en 63 a espéré de prendre part à la révolution polonaise, disant tous ses écrits à proposer une fédération slave, pour une indépendance de l'Ukraine, une indépendance de la pays baltes, qui maintenant sont en train de demander leur propre indépendance. Mais la catastrophe, que aussitôt que ces minorités sont libérées, ils commencent à supprimer des autres minorités. Et une des raisons pourquoi la révolution polonaise de 63 a échoué, c'est qu'il y avait un mouvement de paysans, c'est-à-dire un mouvement de démocrates, mais aussi un mouvement des aristocrates polonais qui voulaient non pas la Pologne comme nous le connaissons, mais aussi une grande partie qui est maintenant de l'Ukraine, qui a été une fois, il y a 200 ans, une partie de la royaume de Pologne. Et alors, la conclusion est que cette centralisation de l'État n'est pas une solution pour le problème de l'État et de l'impérialisme, etc., non plus une solution pour le socialisme, mais au contraire, d'avoir plusieurs grands États maintenant, grands États probablement de l'Europe. Il faut avoir la décentralisation, il faut détruire tous les grands États et de recommencer avec une organisation, comme je dis, de l'autonomie des communes, des régions, etc. Bon. Oui. J'ai une autre toute petite question qui n'a pas de rapport avec ça. Une autre petite question, ce sera pas long, et qui concerne IDIS. Ben. Quand on parle de la revue IDIS, oui. J'observe que très souvent, dans vos réponses, vous mettez en avant tous les architectes qui ont travaillé à cette revue. Et je me demande si vous n'avez pas une petite préférence pour les architectes, et puis ma question, et peut-être aussi le procès d'intention que je vous fais, c'est est-ce que ça ne serait pas parce que l'architecture a un côté social que peut-être les autres formes artistiques n'auront pas? Vous avez compris ma question? Quand on parlait de IDIS, très souvent, vous répondez en parlant des architectes qui ont travaillé à la revue. Oui. Alors, je disais que j'avais l'impression que vous préférez un petit peu l'architecture, hein, dans, parmi les architectes, parmi les collaborateurs avec qui vous avez travaillé. Et je disais que c'est peut-être parce que l'architecture, elle, a directement un caractère social. Oui. Qu'est-ce que vous avez à répondre ? Ik heb niet de vraag begrepen. Hoe wil ik het? Ze heeft de indruk dat als je over Etienne spreekt, ja, dat je dan altijd met enige voorrang over de architecten spreekt. Ah, oui. En ze vraagt of dat misschien mogelijk is, omdat de architectuur meer dan de andere kunsten, de sociale componenten. Oui, mais aussi parce que l'architecture a pris à cause de la collaboration d'une grande quantité d'architectes modernes en ce moment en Hollande et à la Bauhaus qui a aussi toujours une grande partie de sa activité à cause que le directeur de Bauhaus, Gropius, est un des architectes modernes à ce moment. Mais à l'autre côté, ces architectes ont toujours aussi des relations avec les autres arts. Ce sont les architectes qui ont acheté des tableaux de Mondrian à un moment où personne n'a acheté le Mondrian. Et Mondrian n'était pas du tout pour 100% d'accord avec cette architecture. Il était plus critique sur le grand rôle de technique, etc. Mais à l'autre côté, tous ces architectes avaient une grande admiration de Mondrian. Et sur un des grands congrès de cette organisation internationale dont j'ai déjà parlé, ils ont tous signé des félicitations, quelque chose comme ça, à Mondrian à Paris. Et c'est un des rares documents qu'on a trouvé plus tard dans son héritage à New York. Vous avez entendu, on disait qu'il n'aura rien à répondre. Oui, on ne sait jamais. C'est fini, je vous laisse tranquille. Oh, c'est dur, hein, pour travailler les gens comme ça.